C'est tous les jours la même, trop la haine. Ils sont mes frères, j'ai trop pris de couteau dans le dos. Dans une folie passagère, mais ça va aller. T'inquiète, ta passagère, laissez parler. Là, je suis sous droit, mais je suis pas râlé. Ce qui fait l'âme, c'est les couilles, gros, c'est pas le râler. Gros, je barre dans la ville. J'suis dans ma bulle. Ne me prends pas pour un débile. Là, t'es dans la bulle. On a plus rien à se dire, on est tous éméchés. J'm'attends au pire, à la fausse dépêchée. J'crois que j'ai pas tout pigé. Mais je sais qu'on a plus le temps de réfléchir. Ça va pas, je veux ma part. Sans avocat à la part. Ils sont cassés la part. Ça va pas, je rabats. J'ai plus sur qui compter. C'est dur de remonter. Bon là tu paradis, tu m'as saoulé, je suis parti. Face au Tchoumbaratine. J'écoute plus les ondes. Dans ma tête, ça veut la maille. Tout le monde réclame ce jour de paix. Là, je rêve de me faire la malle. Mais je dois ma haine dans la bouteille. On est partout, ils sont par terre. C'est la guerre, fils de pute, on est partant. Y'a les cartouches aimées par terre. On avance, on est fiers comme les croissants. Pour les lever, on a fait du sol. En vrai, y'a que ça qui m'intéresse. Toi, pourquoi tu pars? J'ai qu'au foot, tu vois ton intérêt. Remonter.